Voilà, c'est l'intempestive. Dans cet environnement sonore d'un calme inhabituel, on part aujourd'hui dans l'intempestive à la rencontre de Radio Larzac. On était récemment allé découvrir Radio Sainte-Afrique, la radio associative historique du Sud Aveyron, et aujourd'hui c'est à sa toute jeune voisine qu'on s'intéresse, puisque c'est en 2008 que Radio Larzac a commencé à émettre sur le plateau et dans ses environs. Toi, John, Nico, t'es technicien de Radio Larzac, c'est ça? Ouais, alors je m'occupe de tout ce qui est technique, à proprement dit, donc la technique du studio, tout ce qui est enregistrer les émissions des bénévoles, les monter, les diffuser. Après, il faut les mettre sur Internet pour le podcast, enfin gérer tout ça. Après, il y a la partie programmation musicale. Et après, dans technique, il y a aussi tout ce qui est technique extérieure, donc tout ce qui est haute fréquence, gestion des émetteurs, aller sur les sites, vérifier que le parc d'émetteurs marche bien, tout ça, quoi. Donc c'est un métier assez large. Ouais, c'est de la technique de A à Z, Ouais, de quoi. A à Z, ouais, carrément. Ouais, d'accord. Là, la l'éolienne. Là, c'est le faisceau qu'on a fabriqué, en fait, pour envoyer le signal à... Notre émetteur, il est à 9 km d'ici, en fait. D'accord. On n'émet pas depuis le site, en fait. Et on a monté, avec des paraboles qu'on a récupérées, on a monté un faisceau. Et hop, et on envoie notre signal à 9 km à vol d'oiseau. Il y a une autre parabole. Et là-bas, on a notre émetteur et notre antenne qui diffusent sur Millau et puis le nord Larzac, en D'accord. fait. Donc ça, on a bidouillé ça avec un gars d'une radio associative dans le Lot, Antenne Doc, qui nous a bien filé un coup de main. Et le matos, vous l'avez récupéré ou bien? Non, le matériel, on l'a acheté neuf. Tout est quasiment neuf. Après, c'est du matériel qui vient d'Italie, c'est des les émetteurs, c'est des trucs enfin, classiques, quoi, du RVR. Et donc là, on entend un bruit bizarre, c'est un bruit d'éolienne, parce que Radio Larzac, du moins c'est le mythe qu'elle construit, elle fonctionne à l'éolienne. Et oui, effectivement. Donc le lieu là où on est sur le cul, déjà il y a une histoire pendant la lutte du Larzac. C'était un lieu où il n'y avait rien et puis des gens se sont un peu battus. Ils ont construit une première maison, première maison de paille qui à l'époque c'était dans les années 70, c'était utopiste au maximum. Et après ils ont créé un lieu de rencontre, d'accueil, d'échange. Et ils ont toujours voulu être un peu indépendants. Voilà, au maximum quoi. Donc ils ont fait installer une éolienne quoi. Et cette éolienne recharge des batteries qui servent à alimenter tout le site en électricité. Bon, là, ça fait quelques années qu'elle n'a pas été vraiment entretenue. Et du fait, il y a un gros groupe électrogène qui, en fait, prend le relais pour recharger les batteries, quoi. Mais de loin, quand on arrive, on voit l'éolienne qui tourne et... Tu me disais qu'il y avait des sautes d'électricité régulièrement parce que... Oui, des fois, il y a des coupures parce qu'apparemment, il n'y a pas beaucoup d'électricité sur le lieu. Et vu qu'il y a un foyer, il y a plusieurs foyers, des fois il arrive que le jus saute. Et voilà, la radio s'arrête. Si quelqu'un met sa machine à laver... Par exemple, oui, s'il y a trop d'électricité qui est demandée d'un seul coup, c'est trop pour les batteries, et puis à ce moment-là, il y a une chute de tension et ça coupe. C'est électricité alternative, tu vois. Une fois ça marche, une fois ça marche pas, une fois ça marche. D'ailleurs, on entend le groupe qui siffle. Le groupe électrogène qui va démarrer, je crois. Et donc, toi, ta formation pour gérer tout cet aspect de diffusion extérieure, tu l'as eu comment? Eh bien, en fait, le gars là, de la radio Antendo qui était venu nous aider à faire l'installation fait régulièrement des stages de formation à ce qu'on appelle tout ce qui est haute fréquence, en fait. Mm-hmm. Tout ce qui est la technique du son après le studio, justement, les émetteurs, enfin, toute cette science-là. C'est un peu compliqué, c'est à la fois des maths, c'est un gros truc. Et lui, régulièrement, il vient à Radio Sainte-Afrique et une autre radio à Sos dans le coin, avec qui on est intimement liés, si je peux dire. Il vient régulièrement donc à Radio Sainte-Afrique pour faire des formations justement sur la haute fréquence. Et récemment, il y en a eu une là, et j'y suis allé pour remettre mes connaissances à jour. Et on était 8 techniciens de 8 radios associatives différentes à faire un stage d'une semaine, à aller sur des sites, à faire du concret, démonter des émetteurs, voir comment c'est foutu, comment ça fonctionne. Donc c'est intéressant, formateur, et ça nous permet d'être à jour, quoi. Puis d'être totalement autonome sur votre diffusion, quoi, aussi. Oui, surtout, oui. Bah, nous, ça a été un choix très clair dès le départ. On n'avait pas, de toute façon, 10 000 euros à donner à TDF, sachant qu'on a 2 sites d'émission, en plus. Ouais, est-ce donc que vous émettez sur deux... vous avez deux... Comme c'est... On a 2 fréquences, ouais. 87.8 sur le nord... Enfin, on est dans le sud d'Aveyron, mais le 87.8 est sur le nord Larzac et Millau, en fait, la commune principale sur laquelle on est basé, le studio est basé. Et après, on a une deuxième fréquence qui part un peu vers le sud, un peu vers Montpellier, l'Audève, qui est le 98.6, et qui est un relais qui récupère, en fait, la fréquence du 87.8, qui fait que récupérer pour la renvoyer, en fait. Et oui, de toute façon, nous, ça nous tenait à cœur de savoir comment ça fonctionne. Donc, si, et tant qu'à faire, de s'en occuper nous-mêmes, quoi. Parce qu'en plus, ça revient moins cher et que si on peut être autonome là-dessus... Quand il y a une panne d'antenne, tu sais d'où ça vient, toi. Voilà, oui. On préfère mettre des sous dans des emplois que payer des prestataires qui font pas grand-chose, quoi. Mmh. On peut le faire, nous. Après, c'est du boulot de passionné, hein. Si ça pète un soir, qu'il fait de l'orage et tout... il faut y aller. Il faut y aller, quoi. Mais bon, ça fait partie du truc, je pense. Il est 14h34 sur Radio Larzac. Radio Larzac toujours située sur la place du Mandarou pour le festival Les Pieds sur Terre, où il fait chaud, très chaud. Ça rappellera un certain rassemblement il y a quelques années, sauf que cette fois, on est en ville. Et j'accueille dans la caravane studio... Qu'est-ce que c'est le bien commun pour vous, madame ? Mais je ne connais pas très bien le bien commun. Je pense que c'est si on a d'un héritage quelque chose, une maison et des champs, quoi. Parce que c'est ce qui arrive, j'ai été impliquée dans une chose comme ça. C'est essayer de rendre service à des gens qui sont en difficulté. Et qu'est-ce que le développement durable pour vous ? Et que, je ne sais pas qu'est-ce que c'est ça, développement durable, que travailler toute une vie. C'est quoi le bien commun pour vous ? Ah, je sais pas. Qu'est-ce que c'est ? Ah, j'ai pas la réponse. Ah bon ? Et le développement durable ? Écoutez, on est pressé. C'est quoi le bien commun pour vous ? C'est ce qui est non marchandisable, qui n'appartient à personne. Par exemple, l'eau à Millau. L'eau du Tarn. Et à Millau et ailleurs. Oui, ailleurs. Et ailleurs. Parce que l'eau ne nous appartient pas. Et l'eau est vivante. Elle appartient pas à l'homme, l'eau. Et le développement durable ? Ça n'existe pas. C'est quoi le bien commun pour vous ? Alors, le bien commun, c'est tout ce qu'on peut partager et qu'on doit partager parce que ça doit profiter à tout le monde. Et il faut surtout pas se l'approprier, en faire une propriété pour gagner de l'argent. Et le développement durable ? Développement durable, j'aime pas trop cette expression-là parce que côté développement, je sais pas trop ce que ça veut dire. Je préfère finalement la simplicité volontaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de consommer à outrance et on peut se contenter de peu et penser à préserver la nature. Après ce micro-trottoir de Radio Larzac lors du festival Les Pieds sur Terre à Millau en 2009, on monte non plus dans la caravane mais dans le studio de Radio Larzac aucune pour rencontrer Alors Mathieu, moi je suis président de Radio Larzac depuis 2 ans. Et pour retrouver Catherine, je fais partie des fondateurs de la radio et puis j'ai travaillé pendant 3 ans. En ce moment, je fais une pause. Alors, de manière un peu inhabituelle pour la série d'émissions, là, on ne va pas vraiment faire l'histoire de Radio Larzac, ou plutôt, si, mais elle est brève, l'histoire, parce que c'est une radio qui existe, qui a commencé à émettre en hertzien depuis 2008, qui existait sous une autre forme depuis 2004-2003. Alors, c'est une radio qui est née du rassemblement qui avait eu lieu sur le Larzac en 2003, donc le Larzac 2003. Pendant cet événement qui a duré 3 jours, il y avait eu, on va dire, une association, un partenariat entre plusieurs radios associatives de la région, soit Languedoc-Roussillon, soit Midi-Pyrénées, mais je crois qu'il y en a qui venaient aussi de plus loin. Donc il y avait eu un groupement comme ça d'associations qui avait monté un projet entre guillemets Radio Larzac, qui avait pour fonction de pendant les 3 jours du rassemblement, de faire un écho sonore de ce qui se passait sur le site du festival pour que des gens puissent, via Internet ou via les ondes, puissent suivre ce qui se faisait sur le site. Ça a été utile pour ceux qui étaient dans les bouchons, qui n'arrivaient pas à venir jusqu'au site. Ils pouvaient, avant d'être sur le site, avoir un petit écho sonore de ce qui se passait, savoir comment ça se passait, qu'est-ce qui se déroulait, quels étaient les débats qui étaient en cours, les concerts à venir, enfin, tout ce qui se passait. Et puis ça nous a aussi permis de garder une trace sonore de ce qui s'est fait pendant ce festival. Il y avait des médias radio associatives, mais il y a eu aussi des médias nationaux qui ont participé à cette aventure. Et de là est né un petit collectif qui s'était dit que suite à une première expérience Radio Larzac qui avait aussi eu lieu pendant la lutte de Larzac, qui était une radio pirate, en 77, c'est ça ? Voilà, dans les années, fin des années 70, début 80. Ça, c'était une première expérience. Il y avait le Larzac 2003. Donc après, il y avait aussi... on commençait à entrevoir la redistribution qu'avait lancé le CSA sur le plan de fréquence en 2007-2008. Donc je pense que c'est un peu tout ça qui a fait que ce petit collectif s'était dit pourquoi pas créer quelque chose qui s'appellerait Radio Larzac dans le prolongement de ce qui s'est fait pendant ces 3 jours. Et c'est vrai que aussi ce rassemblement a été l'occasion de la création de plusieurs associations sur le Larzac. Oui, en fait, par rapport au Larzac 2003, c'est pas inutile de rappeler que c'est un rassemblement contre l'Organisation mondiale du commerce. C'était un petit peu à l'époque, parce que ça existe moins maintenant. Rassemblement altermondialiste, antimondialiste, altermondialiste. Je le dis ça parce que c'est assez important par rapport à moi, ce qui m'a motivé dans Radio Larzac. Quoi. Ça fait partie de l'identité que je donne à Radio Larzac. Et l'idée, c'était aussi par rapport à ce rassemblement, donc il y avait toute une critique de plein de choses qui est dans notre société. En particulier critique des médias dominants, de la pensée unique et de la non-indépendance des médias. Et l'idée, c'était un petit peu, au lieu de critiquer, construisons nos propres médias, quoi. Puisque ça existe beaucoup sur Internet, mais après, une radio de catégorie A, c'est encore autre chose, quoi. Catégorie A, donc c'est la catégorie des radios associatives non commerciales. Et donc, vous avez le moment en fait où il y avait une émission qui s'appelait Radio Larzac sur Radio Sainte-Afrique, c'était juste après ce rassemblement ou il y a eu une autre étape ? Alors je sais pas. En 2004, je crois que 2004 c'était la création de l'association Radio Larzac, donc 1 an après le rassemblement. Mais je crois que depuis le début, il y a eu un rapprochement fait avec Radio Sainte-Afrique, qui est la radio associative locale, entre guillemets, historique du sud d'Aveyron. Donc c'est vrai que le territoire des deux radios s'entrecoupe un petit peu, mais c'est pas un chevauchement complet des deux, puisque eux sont plus... eux, leur siège est déjà à Sainte-Afrique, mais on est plus sur la région de Millau, donc il y a une distance de une quarantaine, 50 kilomètres entre les deux radios, mais il y a beaucoup de partenariats qui existent encore aujourd'hui, c'est-à-dire que là on est en 2009, donc 6 ans après le démarrage de ce projet, il y a encore des partenariats qui sont assez nombreux avec Radio Sainte-Afrique, et les démarrages, je crois que c'était peut-être 2005, les premières émissions, où en fait l'idée c'était qu'on était quelques-uns, entre 5 et 10, à être, on va dire, un peu le noyau dans Radio Larzac. Et vu que chacun, il n'y en a aucun d'entre nous qui vient du monde, soit du monde du journalisme ou de la radio associative, qui n'avait jamais fait ça avant, on est tous entre guillemets un peu autodidactes. Donc c'était de dire, ben, on va profiter que Radio Sainte-Afrique accepte de nous donner un créneau horaire dans leur grille pour pouvoir s'expérimenter à la radio, apprendre comment on fait l'émission, comment est-ce qu'on s'y met. Donc là, on a eu Gilles Margerand et d'autres de Radio Sainte-Afrique qui nous ont un peu donné, il faut mettre un chapeau, tout ce qui se fait, construire un conducteur, organiser l'émission. Et donc on avait commencé une première année où c'était une émission, je crois, tous les 15 jours ou chaque mois, qui était 2 heures. Une fois par mois. Voilà, on avait 2 heures une fois par mois. Donc ça, on l'a fait pendant un an. On était 4, 5 avec Nico. Une émission collective, en fait. Une émission collective avec Nico, qui était à la technique. Et donc on faisait le déplacement jusqu'à Radio Sainte-Afrique, jusque dans leurs locaux. On occupait ça pendant un soir. Donc ça a été fait pendant une année. Puis l'année suivante, on a expérimenté différentes formules de comment faire une émission pour qu'on puisse aussi essayer de trouver ce qui nous convenait le mieux. Et je pense que ça nous a aussi permis de construire un peu ce qu'est la radio aujourd'hui. C'est-à-dire que sachant un peu tout ça, je pense que la grille de Radio Larzac telle qu'elle est aujourd'hui, c'est un peu ce qui nous ressemble, quoi, ce qu'on aime retrouver dans les radios et ce que les auditeurs aussi disent aimer retrouver. Par rapport à cette question de grille, justement, comme vous parlez de la proximité avec Radio Sainte-Afrique, pourquoi est-ce que vous avez souhaité créer une radio spécifique au lieu, par exemple, de vous investir beaucoup dans Radio Sainte-Afrique ? Quelle est la démarche propre, en fait, à Radio Larzac ? Déjà, c'est quand même loin. Enfin, Sainte-Afrique est ici, on a 3/4 d'heure de route, donc pour aller faire des émissions, on n'est quand même pas sur le même territoire. Il se trouve que Radio Sainte-Af, ils ont un émetteur sur Millau comme nous, mais c'est quand même pas le même territoire. Et ici, Radio Sainte-Afrique a son histoire, ça fait 30 ans, pas loin de 30 ans qu'ils existent, quoi. Et donc ils ont leur histoire propre liée à Sainte-Afrique et tout. Ici, Larzac, c'est encore une autre histoire, une autre identité, quoi. C'est pas les mêmes gens. Enfin, les gens qui viennent faire des émissions ici, ils n'iraient pas forcément les faire à Radio Sainte-Af, déjà parce que c'est loin, quoi. Et là, vous avez fait le choix de... Là, on est au CUN, donc c'est une sorte de maison des associations, ou c'est... C'est un lieu collectif, oui, on avait choisi de venir ici... Parce que c'était un lieu collectif et pour s'intégrer dans une dynamique locale. On a des petites interférences sonores d'une toute jeune personne aussi. Ouais, pour continuer, c'est vrai que je pense que depuis le départ, Radio Sainte-Afrique nous a aussi poussé à créer une autre association. C'est vrai que Gilles a toujours dit, deux radios associatives pour le Sud Aveyron, c'est pas trop, quoi. Donc je pense qu'il a vu la tendance actuelle et les difficultés que rencontrent les radios associatives, lui était plutôt à dire plus on est, plus on est à même de soit auprès des collectivités, soit auprès de l'ensemble des structures, pouvoir dire les radios associatives existent, elles sont présentes dans le sud d'Aveyron, à vous de les aider aussi, quoi. C'était de dire plutôt que d'être une seule voix à dire l'intérêt et à faire partager ce que peuvent être les radios associatives, si on est deux... Voilà, ça fait deux fois plus de rappels, deux fois plus de présence aussi sur le terrain. Mais c'est vrai que depuis le départ, c'est pas deux radios qui sont en concurrence. On essaye d'avancer chacun de son côté, mais aussi ensemble, quoi. Et là, on est installé vraiment... Enfin, la Radio Larzac est vraiment en zone rurale. C'est un choix de pas, par exemple, vous êtes installé à Millau. Ouais, c'est un choix qui n'est pas toujours évident à tenir. Depuis le début, on galère entre guillemets un petit peu à cause de ce choix-là, mais c'est vrai que c'était important pour nous déjà d'être sur le Larzac, parce qu'on a eu la possibilité, on a encore la possibilité d'avoir des locaux sur Millau. C'est beaucoup plus facile, parce que sur Millau, il y a Internet au débit, il y a tout ce qu'il faut. Et pas des pannes comme ici. Voilà, ici on a des pannes d'électricité. Là, Internet, ça fait 10 jours que ça ne marche pas. C'est pas les conditions idéales pour une radio. Mais en même temps, c'était un peu un défi aussi de faire une radio rurale, quoi. Enfin, ça fait partie de l'identité de la radio, quoi. Mmh. Après, on l'a vu dès le départ, c'est-à-dire que c'est une radio qui est faite essentiellement par des gens bénévoles. Aujourd'hui, il y a 2 et peut-être bientôt 3 salariés. Mais c'est vrai que du coup, c'est une association qui avance aussi avec le temps que chacun peut donner à cette radio. On avance dans notre projet petit à petit. Catherine disait tout à l'heure qu'elle a travaillé pendant 3 ans pour Radio Larzac et elle a dû faire, peut-être 2, 3, 4 déménagements. Depuis la radio, on est aussi une radio un peu itinérante. On cherche aussi la place là où on souhaiterait s'installer. On a été quelques temps dans un garage à Millau, on a bougé, là aujourd'hui on est sur le site du CUN, qui était un peu un site militant ou historique de la lutte du Larzac, et on va prochainement aussi redéménager sur un autre local, voilà. Donc on cherche aussi notre place sur le Larzac. Salut, salut, c'est Jody Dragon, on est parti pour une heure d'émission. On va écouter pas mal de musique électronique ce soir. On commence tout de suite avec Jimmy Tenor et sa reprise parue en 1996 du morceau Caravan. Après cet extrait d'une émission de Radio Larzac, on reste dans la thématique sur Fréquence Paris Pluriel dans l'intempestive, puisqu'on continue à parler caravane avec Catherine et Mathieu qui évoquent les débuts de Radio Larzac. Mais à propos d'itinérance, justement, au début de Radio Larzac, Radio Larzac était dans une caravane, non ? En fait, c'est pas qu'on était dans une caravane. Enfin, on a une caravane, c'est un outil qu'on utilise encore, en plus du studio. On a jamais voulu rester dans une caravane, en fait. Mais c'est vrai que avant qu'on s'installe ici au CUN, toute l'année qui précédait cette installation, on faisait notre émission pour Radio Saint-Aff dans le studio caravane. Puisque la caravane, c'est ce qu'on a réussi à équiper en premier, en fait, au niveau technique. Donc il y avait un studio installé dans une caravane qu'on a refaite complètement... nous-mêmes, et c'est en même temps un studio mobile qui nous permet de faire des festivals, des animations, des rencontres, qui nous sert encore et qui est super important pour nous aussi, encore maintenant, quoi. Puisque justement, on est dans un milieu rural où les lieux, ils sont hyper éloignés les uns des autres. Et du coup, avec la caravane, ça nous permet, nous, d'aller vers les gens qui sont susceptibles de venir parler à la radio, parce que tout le monde n'a pas envie de venir jusqu'à nous pour parler dans notre micro, parce qu'on est un petit peu loin quand même. Voilà. Mais c'est vrai que, quoi, pour les gens qui ne connaissent pas la région des Grands Causses, voilà, c'est des Grands Causses sur lesquels on ne retrouve pas forcément beaucoup de monde. Et puis après, il y a quoi ? Il y a la ville de Millau qui est, on va dire, 20 000 habitants. Nous, on a aussi pas très loin la ville de Lodez, mais qui est sur un autre département, une autre région, c'est l'Hérault et le Languedoc-Roussillon. Et voilà, en dehors de ces deux pôles urbains, le reste, ce sont des villages, des hameaux, des fermes isolées. Et c'est vrai que nous, on s'était dit, si on veut créer un peu du lien entre tout ça, il faut qu'on soit mobile et qu'on aille aussi vers les gens, quoi, qu'on puisse permettre à des gens de soit s'initier à la pratique radiophonique, en leur disant, il y a un studio caravane qui vient dans votre village, venez voir ce que c'est, jouez aux curieux. Et si vous avez envie de parler derrière le micro, nous, on sera ravis. Et aussi, pour moi, la caravane, c'est vraiment le côté, le média à la portée des gens. Enfin, pas dans le sens auditeur, mais dans le sens pouvoir venir parler. C'est vrai que quand on est sur un événement, nous, on a le micro ouvert facilement aux gens, quoi. Il y a des gens qui passent. Des fois, même, ça n'a rien à voir avec l'événement. Ils disent « Ouais, moi, j'ai quelque chose à dire et tout. » Ils rentrent dans le truc. Enfin, voilà. Et nous, on l'accueille, on le fait parler, on l'interview. Et ça, c'est super parce que, bon, ce n'est pas des gens qui viendraient forcément au studio ou qui ont déjà fait de la radio, quoi. Pour moi, c'est ça, la radio associative. Oui, il y a cette envie de dire que voilà, c'est un média libre, la radio. C'est-à-dire c'est dans l'instant, ça s'adapte à plein de formats, à plein de choses. On peut faire plein de choses avec de la radio, peut-être plus que par l'écrit ou que sur d'autres supports de médias. Et puis par rapport, on dit, voilà, il y a Internet, il y a les médias, il y a les forums, il y a tout ça. Les gens n'écoutent plus la radio, ils font que regarder la télé. Nous, on voit un peu le contraire. C'est vrai que les gens sont moins qu'avant derrière le poste de radio, mais par contre, ils ont toujours une curiosité, un intérêt pour ce que sont les radios. On a fait différents événements qu'on a fait. Puis à la fois, on le fait aussi avec d'autres radios. C'est-à-dire qu'on a par exemple fait Radio Buzyn, ce qui était la couverture d'une des fêtes du parc naturel régional des Grands Causses, mais ça, on l'a fait avec Radio Sainte-Afrique. C'est-à-dire que ça nous permet aussi de faire des... la caravane nous permet aussi d'avoir des échanges avec d'autres radios. C'est-à-dire que ça devient un prétexte pour que l'on se rencontre et qu'on travaille avec d'autres. L'année dernière, il y avait le festival Millau 2009 Les Pieds sur Terre, où il y a eu 5 radios qui sont venues sur Millau pendant la durée du festival aussi, monter avec nous une radio. Il y avait Radio Pays d'Hérault, Radio La Conne, Radio Antenne Doc, Saint-Afrique. Et je vais en oublier. Mais voilà, quoi, il y avait plus des radios qui sont aussi portées candidates pour Divergence, voilà. D'autres radios qui n'ont pas pu faire le déplacement, mais qui ont dit, bah, nous, on vous récupère l'émission qui est produite. En fait, il y avait une émission d'une heure par jour qui se faisait un peu un écho du festival. Et certains ont repris, nous, on la mettait en ligne sur notre site internet, et ça a été repris par d'autres radios qui en ont fait la diffusion chez elles, en faisant aussi une annonce de l'événement. Donc là, l'organisateur s'y retrouve. Nous, on s'y retrouve parce que ça nous permet de créer des liens et des contacts avec d'autres radios. C'est-à-dire que Nico, à la technique, ben voilà, il peut parler technique avec d'autres techniciens, savoir les problèmes qu'eux rencontrent et nous, ce qu'on rencontre. Et c'est comme ça qu'on avance, quoi. C'est en partageant. C'est-à-dire que nous, on arrive à piocher dans les différentes radios qui sont autour de Radio Larzac des personnes ressources que l'on peut solliciter pour nous permettre, ben voilà, en cas de panne ou en cas de coup dur, soit dans le fonctionnement de l'association aussi, hein, on dit on s'est aussi construit pour arriver à un fonctionnement qui nous ressemble, qui soit aussi assez ouvert pour que d'autres personnes puissent venir à la radio. Mais justement, comment s'organise Radio Larzac? Qui sont les bénévoles qui sont là? Est-ce que c'est des gens qui sont liés à la lutte du Larzac, etc.? Et puis, quel est le rôle des salariés, en fait? Alors moi, je vais parler en tant que fils de personnes qui ont fait la lutte du Larzac. Ce qu'il y a, c'est que le Larzac d'aujourd'hui, en fait, il rassemble ceux qui ont fait la lutte du Larzac, les enfants qu'ils ont eus. Et après, il y a toute une population qu'on pourra appeler les nouveaux arrivants ou des gens qui... Voilà, dont Catherine fait partie. Par exemple. Ce sont des gens qui n'ont pas forcément vécu la lutte du Larzac, mais qui en ont peut-être à un moment donné entendu parler, ou qui ont entendu parler du Larzac par les différents échanges qu'ils peuvent avoir avec que soit les Kanaks, soit avec la Palestine, soit avec plein d'autres choses. Et du coup, c'est vrai que le Larzac d'aujourd'hui, c'est un peu un mélange de tout ça. Et je pense que la radio aujourd'hui aussi a l'image d'un peu ça, c'est-à-dire que c'est un grand mélange. Il n'y a pas forcément, c'est pas la voix du historique du Larzac. Radio Larzac, c'est bien plus que ça. Il y a un côté, Catherine le disait tout à l'heure, il y a quand même un côté, on arrive de quelque chose qui était de militant. Donc je pense que ça y est encore. Mais on ne veut pas s'enfermer dans ce tiroir-là, quoi. Si nous, il y a d'autres personnes qui veulent venir s'exprimer à Radio Larzac et qui partagent pas forcément nos idées militantes, il n'y a pas de problème avec ça. Il y a quelqu'un qui veut rentrer. Pause technique. Salut Pierrot. Comment vas-tu? Adieu Juliette, tu vas? Bien et toi? Ça va? Je t'ai entendu l'autre jour. Okay. Lengo nostro. Eh bien, bonjour à toutes, brave monde, me voilà de retour, Pierre Marsiliac, pour une mi-e giurado de mission qui s'étendra cada 15 jours. Alors, je vais vous parler, parce que je vais vous parler de mon voyage en Sardaigne. Au début de fin juin, nous avons reçu l'invitation d'une jeune personne qui est italienne mais qui vit à Marseille, qui est sociologue et qui était en relation avec une petite ville de Sardaigne, du centre de la Sardaigne. Cette ville, c'est Orgosolo. Et cette ville, il y a 40 ans, avait connu un peu le même problème que le Larzac, c'est-à-dire qu'un beau jour, on a annoncé aux habitants de ce village que toutes les terres qui sont des terres qui ne sont pas des propriétés particulières, qui sont des, on peut appeler ça des communaux si on veut, et donc l'État italien avait projeté d'installer sur ces terres un polygone de tir. Et donc au mois de juin 1969, lorsque les paysans de cette petite ville ont appris la chose, le lendemain ils sont tous partis sur le centre de ce polygone de tir qui s'appelle Pratobello, et au bout de 8 jours, l'État italien a abandonné ce projet de polygone de tir. C'est une victoire fantastique, mais c'est une victoire qui est certainement due au fait que les Sardes sont colonisés depuis fort longtemps. Et les Sardes n'ont jamais très bien accepté ces colonisations extérieures et sont restés avant tout Sardes. Bon alors après le passage de Pierrot, on en était donc sur la question de l'organisation de la radio. Quels sont les rôles des salariés par rapport à ceux des bénévoles ? Bah, du fait qu'on est une radio, une association, je voudrais plutôt assez récente, ça se mélange un petit peu salariés et bénévoles, dans le sens où on a une culture un peu du bénévolat assez forte, quoi. Enfin, les salariés existants, ils s'investissent vachement en bénévolat. Et donc, du coup, après, quelqu'un qui arrive complètement de l'extérieur à l'association, bon, ben, si c'est quelqu'un qui a envie d'avoir un statut salarié normal, enfin, et sa revendication, elle peut être normale aussi, de faire ses heures et d'être payé ses heures, ben, c'est quand même un peu compliqué, quoi, parce que c'est un peu mélangé, quoi, salariat et bénévolat. Après, sinon, sur l'organisation, ben, y a un CA, un conseil d'administration, une fois par mois. Enfin, y a un CA qui est élu. Nous, au départ, on s'était constitué en collège, en fait. On ne voulait pas un conseil d'administration avec un président, etc. Et puis, pour être candidat à une fréquence auprès du CSA, on a été obligé d'avoir le mode conseil d'administration avec président, secrétaire, trésorier, etc. Mais, enfin, je sais pas, moi, j'ai l'impression qu'on fonctionne toujours de manière collégiale, enfin... Dans le sens où le CA mensuel, il est toujours ouvert, tout le monde vient. Bon, c'est vrai qu'il y a des fois, il peut y avoir des votes, mais c'est rare qu'on vote, en fait. On discute et puis c'est bizarre, mais on est quand même souvent d'accord. Ben, l'idée, oui, c'était ça, c'était de faire des CA mensuels qui sont des CA élargis. Mais voilà, chacun peut s'exprimer et après, c'est aux gens du CA, s'il y a un vote à voter, en ayant connaissance voilà, d'un avis qui a été dit par chacun, quoi. Il y a une tendance aussi dans le milieu des radios associatives à professionnaliser beaucoup et donc à partir un petit peu de ce côté radio amateur qui était beaucoup revendiqué auparavant. Vous, est-ce que, par exemple, est-ce qu'il y a des fonctions de journaliste ou bien est-ce que est-ce qu'il y a une polyvalence des bénévoles et des salariés ? Comment est-ce que vous concevez en fait le fait de faire de la radio dans une radio associative ? Bah, je dirais que c'est une question, on est en plein dedans. C'est pas quelque chose qui est tranché, quoi. On peut pas... Tu demandes comment vous concevez, ben, je pense qu'on est un peu en train d'y réfléchir, quoi. On a monté une commission qui s'appelle... On fonctionne en commission, en fait, déjà. Faut le savoir, ça peut être intéressant à savoir. Et là, depuis pas longtemps, il y a une commission gestion compta. Enfin, l'idée, c'était un petit peu de réfléchir à tout ça. La question, entre guillemets, du développement de la radio, notamment en termes d'embauche... Parce qu'on voudrait avoir une activité de journalisme plus régulière, puisqu'on n'en a pas, en fait, pour l'instant. Hein, avec deux salariés, il n'y a pas moyen, encore. Et c'est quand même quelque chose qui est important. Donc, comment... Voilà. Même si, d'un côté, c'est sûr que quand on se professionnalise, on y perd. Mais d'un autre côté, bah, les gens, c'est quand même compliqué de leur demander pendant des années un investissement. Bon... Et tu parlais de journalisme. Comment, qu'est-ce que ça signifie en fait pour Radio Larzac, le journalisme, faire de l'info quelle est la différence par rapport à d'autres radios? Comment vous définissez en fait votre activité de journaliste ou votre activité de radio? Enfin, pour moi, le journalisme, ce que j'aimerais à Radio Larzac, donc c'est ma position que je défendrais si on en discute. bon, je sais que quand même on en a déjà un peu discuté et c'est une position qui revient, quoi. On n'a pas envie de faire du local, quoi, comme il pourrait y avoir enfin, la rubrique des chats écrasés ou des choses comme ça, quoi. Il y a l'idée qu'on peut se perdre vachement dans un journalisme quotidien, faire un magazine. Moi, c'est ce que je remarque un peu. Si on faisait un magazine quotidien, Ce qui me fait peur, c'est on est speedé, on fait un truc à la va-vite, et en ayant discuté avec d'autres radios associatives, finalement, on vient vite au suivisme, c'est-à-dire à regarder ce qui s'est dit dans tel autre journal ou telle autre radio, et puis reprendre le même sujet, puis faire en gros la même chose, même si c'est un peu à sa sauce, quoi. Moi, ça me dit rien qu'on fasse du journalisme comme ça. Moi, je me dis, ce qui pourrait peut-être être intéressant, c'est de faire de... plutôt traiter un ou deux sujets par semaine, mais de manière approfondie, peut-être sous forme documentaire ou... enfin, je sais pas. Et puis après, peut-être d'activer un réseau de correspondants locaux. Ben, voilà, il y a des gens sur place. C'est toujours dans l'idée, en fait, la radio, comme on la voit, c'est un peu... la radio des gens, quoi. Enfin, c'est pas nous qui allons dire c'est comme ça que ça se passe. C'est un petit peu si, vu que c'est pas mal étalé, si dans chaque patelin on a un correspondant qui, une fois par semaine, on l'appelle, il nous dit l'événement notoire pour lui de la semaine avec son petit commentaire ou sous forme de chronique. Je sais pas, ça pourrait être un truc comme ça, quoi. Pourquoi pas? Juste un mot par rapport à ce que disait Catherine tout à l'heure sur le bénévolat. En fait, je pense qu'initialement, c'était un peu comme l'ensemble des radios dans les années 80. Radio Larzac, au départ, c'était que des gens qui arrivaient de manière bénévole. Et à un moment donné, nous, on s'était dit... c'est vrai qu'on a toujours été un peu partagés en disant il faut pousser vers du salariat ou bien pousser vers que du bénévolat. Mais l'idée, c'était de dire si des gens arrivent avec un projet en disant... moi j'ai un projet où je peux autofinancer mon poste et puis voilà, de toute façon je cherche pas à gagner des milliers des cents, je veux juste en avoir un petit peu et puis que la NPE me foute la paix ou que voilà, nous on avait dit pourquoi pas, parce que du coup la radio elle en profite aussi, et c'est un échange en fait entre cette personne, ce qu'elle accepte de faire dans la radio, et puis ce que la radio peut aussi offrir, parce que nous on n'a pas forcément grand chose à offrir, soit en termes de moyens financiers ou autres, même de cadre de travail. Là tu le vois, on est dans un local qui est en travaux. Donc c'est pas forcément... il y a des contraintes. Larzac Radio Station, it's on 87.8 in Mayo and 98.6 à la Couverturade. Mais justement, au niveau financement, comment Radio Larzac construit sa solidité comment elle est financée? On est en train d'y réfléchir, à construire la solidité, parce que comme toujours pareil, hein, comme on démarre pour l'instant... c'était au coup par coup. Maintenant, il va falloir réfléchir à la pérennisation du truc. Et comme toutes les radios associatives, on est financé par le FSER. Donc le Fonds de soutien à l'expression radiophonique. Voilà. Et on refuse de faire même 1% de publicité, quoi. Enfin, voilà, on a droit, je le dis pour les gens qui ne savent pas, à 20% de recettes publicitaires. Mais nous, on ne veut pas en faire du tout. Donc... maintenant, il faut faire avec, quoi. Il faut essayer de trouver le reste. Les autres sources de financement, ce sont les animations qu'on fait avec la caravane. C'est-à-dire que sur certains festivals, il y a des festivals qui nous ont intégrés dans leur plan de dans le financement qu'ils font, eux, pour leur festival. Ils ont intégré une partie communication, Caravane Radio Larzac. Et du coup, c'est des choses qu'on récupère un peu tous les ans si on reconduit les partenariats que l'on a. Après, les autres sources de financement, c'est pour du matériel technique. On a aussi fait appel à quelques fondations qui nous ont suivis et permet notamment d'équiper la caravane. Après, il y a un peu de mécénat. On fait des fêtes de soutien assez régulièrement qui nous permettent à la fois de partager, de faire des échanges avec la population locale, de faire aussi découvrir Radio Larzac à des personnes qui ne les connaîtraient pas encore, et qui en retour sont aussi une manière soit des concerts de soutien, des choses comme ça. Des retours où on peut rentrer un peu d'argent pour payer les charges. Ça paye pas les postes de salariés, parce que c'est pas dans le même ordre de grandeur, mais ça permet de participer à la facture d'électricité, internet, enfin tout ce qu'une radio a besoin pour pouvoir vivre, quoi. Après, l'idée aussi par rapport aux salariés, c'est que les postes de salariés, ou les fiches de poste, c'est-à-dire les fonctions des salariés, elles soient aussi un peu définies par rapport au fait qui rentre de l'argent. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, quoi. Dans ma fonction, par exemple, c'est un exemple, hein. Dans ma fonction, par exemple, il faut que je fasse des activités qui soient génératrices d'argent. C'est un peu la condition pour créer des postes, en fait. L'autofinancement du poste. Voilà. Ouais. Ou alors, éventuellement, parce qu'il y a des postes qui... comme le poste de technicien, vu qu'il s'occupera de la technique, il faut qu'il y ait un autre poste qui travaille à faire rentrer les sous pour financer le poste de l'autre. Enfin... on est obligé de réfléchir comme ça, quoi. Oui, puis c'est vrai qu'on se situe, nous, dans une région. On n'a pas Montpellier ou une grande ville. qui pourrait être un financeur voilà, qui nous suffirait en fait. Donc c'est vrai que c'est, on demande ben, un peu aux salariés de monter différents dossiers de subventions pour qu'on puisse ben, peut-être aussi à tour de rôle solliciter différents acteurs, que ce soit le parc naturel régional des Grands Causses, la région Midi-Pyrénées, le département, les villes qui nous entourent, les communautés de communes, des structures, des festivals. Enfin voilà, il y a différentes structures qu'on peut solliciter sur des petites sommes, mais qui, voilà, quand on fait la somme de tout ça, ça participe quand même au financement et à la vie de la radio. Mais justement, sur les financements des collectivités locales, régionales, etc., parfois, il y a une attente de l'autre côté, de l'institution, de l'administration, que la radio se fasse l'écho le moins critique possible des activités soit de la mairie, soit de la région, etc. Vous, comment est-ce que... Alors, on a peut-être une chance, c'est qu'en s'appelant Radio Larzac, on a déjà une image qui fait que les gens savent à peu près à qui ils ont affaire, quoi. Donc c'est vrai qu'on nous a jamais dit « Ah oui, mais de comment est-ce que vous allez traiter l'information ?» C'est-à-dire que même si on l'a vu, nous, sur le festival Millau 2009, donc qui était un festival organisé, on va dire, en grande partie par la ville de Millau, nous, on avait un partenariat, j'ai dit tout à l'heure, avec d'autres radios, qu'on a eu carte blanche, on a pu faire ce qu'on voulait en termes de radio sur la couverture de ce festival. On n'aurait pu être que dans la critique. Il ne serait pas venu couper le micro, quoi. On a vraiment une liberté de parole là-dessus. Et c'est un peu aussi pour nous une condition nécessaire à ce qu'on vienne sur un festival. C'est-à-dire, si on y va pour uniquement être la voix de l'organisateur, il n'y a pas d'intérêt parce qu'à ce moment-là, c'est bridé et puis nous, on ne s'y retrouve pas. Mmh. Mais après, c'est vrai que par rapport au département ou par rapport à la région, nous, on les sollicite. En fait, c'est des gens qui vont nous financer des postes aidés en termes de salariat. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément leur mot à dire sur... Et quoi, ils acceptent le projet globalement, mais ils ne financent pas l'information de Radio Larzac ou des choses comme ça. Mmh. Donc il n'y a pas de lien direct de l'un à l'autre. Ah ben alors là, bravo. Cinéma ! Cinéma ! De salle en salle et de... Welcome, sir. Toute résistance est inutile. Salut à vous et bienvenue sur Cinémone. Heureuse de vous retrouver sur Radio Larzac pour une nouvelle série d'émissions, toujours en compagnie de Nico qui ne lâche pas les commandes. My finger is on the button. C'est comme Chaplin envoyé au 21e siècle qui snifferait de la colle. C'est comme une BD filmée à 100 à l'heure, bourrée de cris, d'onomatopées, pleine de couleurs et hyper réaliste. C'est quoi? Vous l'avez pas reconnu? Bah c'est Enfermé dehors. On va laisser Cinémone à sa critique de cinéma pour revenir, toujours dans l'intempestif sur Fréquence Paris Pluriel, à l'histoire de Radio Larzac avec Mathieu et Catherine. Il y a une chose dont on n'a pas parlé pour l'instant et qui est fondamentale, c'est est-ce que vous pouvez parler des émissions qui sont sur Radio Larzac, de la grille de l'antenne? Alors la grille, là, c'est quoi, c'était la rentrée donc 2009-2010, c'est la deuxième grille, puisque la radio a démarré en novembre 2008. On a eu, à partir de novembre 2008, on a fait 6 mois où c'était une antenne essentiellement musicale. C'est-à-dire qu'on s'était dit, bon, on va faire une phase de test pour voir si l'installation technique qu'on a mis en place est capable de tenir dans le temps ou bien s'il y a des choses à résoudre. Ben en fait, ça a créé un peu une image sonore et musicale de la radio, qui fait qu'aujourd'hui, les gens qui écoutent Radio Larzac aiment aussi cet éclectisme que l'on a dans la programmation musicale de la radio. Alors que c'est une radio aujourd'hui dans la grille, il y a entre une 15 et une vingtaine d'émissions. Et après, dans les émissions, on a aussi des choses qui sont proposées par les gens de Millau et du Larzac. Moi, je fais une émission musicale avec mon frère et puis un pote. On fait ça, voilà, une émission musicale qui a lieu les mardis. Il y a d'autres émissions musicales. Il y a des émissions de portrait, une émission de cuisine, une émission sur l'Occitanie, sur toute le... parce que bon, Millau est quand même en terre occitane. Donc il y a des gens qui veulent aussi faire partager ça. Catherine faisait des émissions qui avaient quand même un côté journalistique l'année dernière. Jusqu'à peu, il y avait une personne qui faisait une émission sur l'environnement et la nature. Voilà, il y avait une émission sur la non-violence et une émission de la Confédération paysanne aussi, toujours cette année. Une émission agricole. Qu'est-ce que j'oublie ? Il y a des émissions sur la poésie. Il y a deux émissions sur autour de la poésie, des lectures de textes qui sont faites par des gens. On a une grille qui est ouverte quand on peut encore accepter des projets personnels sans être forcément à dire non, là on dit non à ça, on préfère avoir tel projet, qu'on n'est vraiment pas là pour priver quelqu'un de s'exprimer derrière le micro, parce que la grille permet encore d'accepter qui viendrait à la radio, quoi. On a des émissions qui viennent d'ailleurs aussi. On passe un peu d'émissions qui viennent d'arteradio.com, petite sélection. La langue du chat, c'est des gens de Montpellier qui font ça. Il y a du verre dans les oreilles, c'est une émission sur l'écologie. Et après, on disait tout à l'heure, donc pour l'instant, il n'y a pas de journal d'info locale ou de choses qui seraient équivalentes. Par contre, on fait un agenda culturel qui est en train d'être enregistré en ce moment et qui est fait plusieurs fois dans la semaine et qui nous permet quand même de pouvoir faire un écho de ce qui se passe sur le territoire qui est couvert par Radio Larzac. Vous avez des nouvelles importantes à nous faire passer. Vous pouvez nous appeler au 05 65 58 73 39. 58 73 39. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. À bientôt. Mais justement, est-ce que vous avez, là vous parlez du fait que vous diffusez des programmes qui sont proposés à différentes radios, est-ce que vous diffusez les pras, est-ce que vous avez des échanges particuliers avec des radios, d'autres radios du coin, des émissions communes, etc. On a un créneau horaire justement d'échanges avec d'autres radios. Nous on envoie une émission hebdo et d'autres radios envoient aussi une émission par semaine. Donc il y a Radio Pays d'Hérault, il y a Antenne Doc, qui c'est qu'il y a d'autres. Il y a Radio Sainte-Afrique, c'est pas encore fait. On avait d'autres idées, on avait aussi avec Radio Jido, c'est une radio en Nouvelle-Calédonie, mais c'est un peu compliqué pour eux, Internet notamment. C'est aussi compliqué pour nous, Internet. Voilà, ouais. Une radio canadienne. Voilà, c'est quoi, on est à 15 km de Millau, donc pour avoir le haut débit sur le Larzac, donc voilà, il y a un peu, c'est pas forcément tous les jours. Il y a un truc énorme qui n'est pas mis en place et qui bride encore vachement la grille, c'est le logiciel de diffusion. Parce qu'en fait, donc, nous, on a choisi de fonctionner... intégralement, 98% en logiciel libre. Et donc, pour la diffusion, on veut fonctionner avec Rivendell. Et donc, il y a toute une formation qui a eu lieu. Il y a toute une formation qui a eu lieu sur Rivendell pour nous. Et il y a tout un truc à mettre en place, parce que c'est un logiciel assez énorme à mettre en place. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comme on n'a pas ce logiciel de diffusion, actuellement, il faut que le technicien soit là physiquement pour lancer une émission. Donc ça bloque pas mal de choses, quoi, parce que là, il a arrêté, mais toute l'année dernière, il venait le week-end, il venait le soir, de 20h à 21h pour balancer une émission et à 21h pour l'arrêter. Enfin, bon, il habite à 2 km de la radio, mais quand même, c'est hyper contraignant. Donc là, il ne le fait plus et c'est vrai que ça nous empêche de mettre en place et de faire appel aussi à beaucoup de bénévoles, parce que on sait qu'une émission, ça veut dire la présence du technicien au début de l'émission et à la fin de l'émission, et c'est un peu lourd. Pour continuer à parler technique et pour terminer un peu là-dessus, là, la perspective pour les radios associatives, à assez court terme, c'est éventuellement le passage vers la radio numérique terrestre, quoi que ce soit sans cesse discuté et remis en question. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? J'avoue que j'y comprends rien. J'ai cru comprendre que c'était pas forcément à notre avantage, etc., etc. Parce qu'il faut après changer tout le matériel, il faut après forcément passer par un diffuseur. Alors que nous, on a fait le choix d'être autonome. Et apparemment, avec le numérique, ça, ce sera plus possible. Mais à part ça, franchement, moi, j'y comprends rien au niveau technique. Après, nous, Radio Larzac, donc on est une radio qui est autorisée par la SESA pour 5 ans, depuis 2008. Donc c'est vrai que nous, on a aussi un peu cette échéance-là, de dire sur 5 ans, quel est le projet qu'on peut mettre en place. Le passage au numérique, nous, aujourd'hui, on n'en a pas les moyens financiers. C'est pas du tout envisageable qu'on puisse passer d'une diffusion hertzienne à quelque chose qui soit numérique, qu'on n'a pas la capacité propre. Après, nous, on a un site internet qui nous permet de travailler de manière complémentaire à ce que fait la diffusion hertzienne. C'est-à-dire qu'on met en podcast les émissions. Et, Thierry a fait une bibliothèque sonore et il a travaillé là-dessus aussi avec un stagiaire pour qu'on puisse développer tout ce qui n'est pas en direct à la radio, que les gens puissent retrouver soit des programmes, soit des liens, des gens qui gravitent aussi autour un peu de Radio Larzac. Donc pour l'instant, ça nous suffit comme outil, on n'a pas besoin d'avoir d'autres supports, d'autant plus que c'est au-delà de ce que nous, on est capable de faire aujourd'hui en termes de financement, et même localement, je ne sais pas à qui on pourrait demander pour faire ce passage-là. Donc c'est sûr que si nous, on n'est pas accompagné à un moment donné par soit une structure nationale, qui serait le FSER BIS ou je ne sais pas quoi, ou quelque chose qui aidera les radios associatives à passer de l'un à l'autre, même si c'est imposé, on ne pourra pas le faire. Donc ça sera soit on restera sur la bande hertzienne en pirate, soit... Mais moi, je sais qu'il y a peut-être quelques années, il n'y avait pas de contestation à dire il faut tous aller dans le numérique. Il y avait un peu toujours un peu cet élan technique de dire ça va être génial, on va pouvoir développer. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a quand même qui commencent à se dire, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on y va, quoi ? Bon, alors, primo, je dirais que le bon éditeur, il écoutera de l'Arzac, quoi. Et je dirais que, comme j'ai dit primo, le bon auditeur, il écoutera de l'Arzac. D'accord. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée ? Enfin, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à la radio ? Ouais. Alors, tu es venu de Marseille faire une émission sur Radio Larzac. Pourquoi ? Parce que je trouve c'est super intéressant, en fait, le fait que vous démarriez une radio associative en ce moment. Faut être fou, d'ailleurs. Ouais. tout le monde est... Enfin, tu vois, quand on va voir les différentes radios, tout le monde est content d'avoir sa radio. Généralement, c'est des radios qui sont assez vieilles, etc. Mais quoi ? Ils sont un peu plombés parfois parce que les perspectives, il y a une précarité pour tout le monde, les perspectives sont pas forcément très très très optimistes, etc. Et puis vous, non, vous démarrez une radio en milieu rural pendant ce temps-là. Non, mais c'est vrai que ce sont des projets associatifs qui sont difficiles à mener parce que ça nécessite des financements, il y a des contraintes. Si on veut avoir une qualité dans la diffusion sonore, il faut arriver, il y a un niveau d'exigence qu'il faut quand même essayer d'atteindre. Au moins se donner comme objectif. Et moi, je le vois comme moi aussi, un peu aussi en dehors du Larzac. Et du coup, je rencontre d'autres radios, mais je me rends compte qu'il y a l'énergie qu'il y a à Radio Larzac, mais qui n'est pas forcément là tous les jours. Il y a des jours où on commence à en avoir marre, mais il y a d'autres fois où, parce qu'il y a une fête ou quoi, on se remotive. Et on a l'air de dire que Radio Larzac, c'est un beau projet, c'est aussi galère que les autres. Mais moi, je le vois sur d'autres radios, on retrouve quand même cette énergie un peu partout. C'est-à-dire que même si c'est difficile, si c'est dur, si demain ça ne sera pas forcément mieux qu'hier, les gens qu'on retrouve dans ces projets-là, c'est des gens qui ont quelque chose à défendre et qui savent pourquoi est-ce qu'ils font de la radio. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont attachés à ce support, à ce média, ils ne font pas ça par hasard. Et ça, c'est valable pour les gens qui sont animateurs dans les radios, mais c'est aussi valable pour les gens qui écoutent la radio. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu sur cette rentrée-là qu'on a eue en septembre. Sur Montpellier, moi je prends l'exemple de Montpellier, que ça soit Clapaz, Divergence ou bien Radio Pays des Rots, qui sont des radios dans lesquelles je vais de temps en temps, c'est des radios qui cette année ont eu 5, 10, 15 émissions en plus de propositions d'émissions. C'est-à-dire que même si les supports se multiplient, la radio on l'écoute peut-être un peu moins, mais on y est quand même encore attaché. Il y a des gens qui sont toujours là pour pouvoir s'exprimer derrière le micro. Donc c'est sûr qu'il y a des choses qui ont besoin d'évoluer. Mais je pense pas que ça, on va forcément aller vers plus de radio ou plus, parce que c'est tellement libre, c'est tellement adaptable à plein de supports que ben, finalement il y a une liberté qui est derrière ça, et du coup qu'on pourra toujours s'exprimer derrière un micro, et il y en aura toujours d'autres qui seront là pour écouter. On le voit avec les radios qui sont soit en Afrique ou sur d'autres continents, des radios un peu communautaires, mais qui sont entre guillemets l'unique lien que moi je peux avoir avec la communauté. Et bon, il y a Internet, il y a les blogs, il y a tout ça, mais la voix, c'est aussi quelque chose qui est assez formidable. La musique, ça permet d'échanger aussi plein de choses. Je veux dire, donc il y a plein de choses à faire. Il parle bien, c'est pour ça qu'il est président. Non, je pensais, il y a Maya aussi derrière. Je sais pas si tu as le temps encore, mais Maya. Il y a peut-être des trucs à dire aussi sur Radio Larzac. Toi, t'es arrivée quand à Radio Larzac? Tout au début. Je suis arrivée tout au début à Radio Larzac. J'ai participé un an. Quel début? Le début de l'AFM ou le début sur Radio Sainte-Afrique ou le début sur le Rassemblement du Larzac? Ah, moi, je suis arrivée d'abord sur le Rassemblement du Larzac et j'ai pas du tout participé à Radio Larzac sur le Rassemblement. Et non, j'ai rencontré Radio Larzac après, en fait, parce que je suis restée sur le plateau. Et les débuts, quoi. C'est-à-dire quand on était, en fait, à la Jazz du Larzac. Je me rappelle d'une fête qu'on avait fait à la Jazz du Larzac, magnifique. Et ensuite, après, j'ai lâché. Et puis, je suis revenue. Là, je suis embauchée, en fait. Et sinon, j'étais bénévole. Je suis encore bénévole. Et je fais une émission bénévole qui s'appelle L'Autre Presse. Je prends d'autres informations, le Monde Libertaire, Nexus, Nos Passaran, Offensive. Voilà, ce genre d'informations. Voilà. Et puis je fais. Donc je prends les mêmes thèmes que l'information qui est donnée sur les journaux nationaux, mais je les traite avec une autre approche. Voilà. Et je fais un agenda aussi alternatif. Voilà. Merci. Ben, merci à vous. C'était donc l'histoire en création de Radio Larzac avec Nico, Mathieu, Catherine et Maya. Pour retrouver davantage d'infos sur Radio Larzac, quelques archives en ligne et peut-être bientôt un streaming quand Internet marchera, c'est sur www.radiolarzac.org. Cette émission sera rediffusée mercredi prochain à 10h sur FPP et puis elle restera en ligne sur www.intempestive.net. Et tant qu'à être dans les sites web, on vous rappelle que vous pouvez toujours vous dégourdir les esgourdes sur le site du Perce-Oreille, www.perceoreille.net, qui fait des sélections de sons librement écoutables, produits sur des radios associatives ou par des producteurs indépendants. Et puis tout de suite, ne quittez pas, ça fait partie des émissions régulièrement référencées, c'est la salle 101. Et à quoi vous a servi, Monsieur Artaud, cette radiodiffusion? À dénoncer un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnues et recommandées.